Appelée la guerre de la famine. Et les images de ce terrible conflit ont frappé durablement les consciences internationales. Pour la première fois, on voyait sur nos écrans de télévision ou à la première page de nos journaux de petits enfants africains aux membres squelettiques, au ventre gonflé, aux yeux trop grands dans leur pauvre visage décharné. C'était à la fin des années 60. Et les téléspectateurs découvraient un pays inconnu, le Biafra. Un pays lointain où la guerre provoquait la mort de dizaines de milliers d'enfants. Une guerre où la famine même devenait une arme entre les mains des acteurs du conflit. Enfin, ne l'oublions pas, c'est à l'occasion de ces tragiques événements qu'une poignée de médecins courageux va inventer la notion d'ingérence humanitaire. Les French Doctors, comme on va les appeler, allaient désormais être présents et intervenir sur les théâtres d'opération du monde entier. Pourquoi M. X a-t-il choisi cette semaine de me parler du Biafra? Parce que la France et ses services spéciaux ont été très impliqués dans cette affaire, au-delà même de ce qui était raisonnable. Et dans cette mesure, notre pays porte certainement une lourde responsabilité. Pourtant, le Biafra et l'entité à laquelle il appartient, le Nigeria, ne font pas partie de la sphère d'influence francophone. Alors, au nom de quels intérêts supérieurs, les autorités françaises de l'époque ont-elles décidé d'agir plus ou moins secrètement? Monsieur X croit détenir quelques-uns des mystères de cette guerre qui va faire 2 millions de morts. En Afrique, vous le savez bien, les services ont toujours été très actifs. Enfin, les services et tous ceux qui grenouillent autour, oui, bien sûr. Les barbouzes, vous voulez dire. Oui, bien sûr, bien évidemment. En 1960, le général de Gaulle a dû accorder l'indépendance à nos colonies africaines. Mais nous n'avons jamais cessé de nous intéresser de très près à ces pays fraîchement autonomes. Puis, soyons clairs, nous avons souvent continué de les diriger en sous-main grâce aux conseillers français que nous avons gardés là-bas. Mmh. Oui, ça a été la grande affaire de Jacques Foccart. Oui, oui, le secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Ah, c'était son titre officiel. Il a vraiment, réellement régné sur l'Afrique, faisant les gouvernements et organisant, quand il le fallait, des coups de main pour redresser ici ou là une situation compromise. Au reste, il faut le souligner, Foccart a tissé des liens personnels, presque affectueux, avec la plupart des dirigeants de l'Afrique noire. La politique n'empêche donc pas les sentiments. C'est une façon de voir les choses. J'ajoute que le fait que Foccart, grand manitou des affaires africaines, ait été aussi le principal conseiller du général, montre bien que de Gaulle portait une attention particulière à cette question. Surtout quand il a été débarrassé du fardeau algérien. La nostalgie de l'Empire. Sans doute, l'Afrique c'était, ça l'est encore dans une certaine mesure, notre précaré, un continent où notre influence était préservée. Et où nous possédions aussi d'énormes intérêts économiques. Bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre. Mais, puisque nous allons parler du Biafra, hein, c'est ça? Le Nigeria était une ancienne colonie britannique, et pas française. C'est vrai. Et dans cette affaire, pardonnez-moi, mais nous nous sommes un peu mêlés de ce qui ne nous regardait pas. Et ça n'a pas dû faire plaisir à tout le monde, hein. Et à nos amis anglais en particulier. Enfin, ils n'ont pas été les seuls. Mais pour commencer, vous pourriez peut-être me rappeler rapidement l'origine de cette crise. Volontiers. Le Nigeria, c'est géographiquement un grand pays, presque deux fois la France. Et comme ses voisins francophones, il a accédé à l'indépendance en 1960. Mais vous parlez des voisins, là. Il faut tout de suite noter qu'en effet, ce pays anglophone est entouré de pays qui étaient d'anciennes colonies de la France. Hein, tout à fait. Si je compte bien, il y a le Cameroun, le Niger, le Bénin, c'est-à-dire l'ancien Dahomey, et j'allais oublier le Tchad, dont il n'est séparé que par le lac du même nom. Ce qui pourrait, alors, d'une certaine façon, justifier l'intérêt de la France pour ce pays, non? Peut-être, oui. Enfin, il faut aussi dire que le Nigeria, comme beaucoup d'autres anciennes colonies, est un amalgame. Vous voulez dire une construction artificielle, c'est ça. Le colonisateur ne s'est pas soucié de former des ensembles homogènes. Les frontières qu'il a tracées et qui ont été malheureusement pérennisées lors de l'indépendance n'avait souvent pour seul but que de marquer les limites de ses conquêtes territoriales. Et c'est ainsi qu'on a forcé des peuples traditionnellement hostiles à vivre ensemble. Oui, en somme, On a installé l'instabilité. Évidemment. Regardez ce qui se passe dans les deux Congos et même en Côte d'Ivoire, sans parler du Rwanda ou du Burundi. En fait, le colonisateur a nié le fait tribal. Et on ne comprend rien à l'Afrique si on ne prend pas en compte cette réalité. D'accord, alors, au Nigeria. Oh, c'est un vrai puzzle. Et pour ne rien arranger, il y existe aussi des rivalités religieuses. En gros, au nord, on est plutôt musulman, tandis qu'au sud, on est chrétien ou animiste. Et le Biafra, alors? Le Biafra, c'est une région située au sud-est du pays. À l'époque, c'est-à-dire dans les années 60, on y compte entre 12 et 13 millions d'habitants, en majorité des membres de la tribu des Ibos. Ce n'est pas la région la plus peuplée, mais certainement la plus dynamique. En outre, les Ibos sont en général plus instruits que les autres Nigérians, et ils ont essaimé dans les autres régions du pays. Et alors, si je vous ai bien compris, puisqu'ils se trouvent au sud, ils devaient être plutôt chrétiens. C'est ça. J'ajoute, et c'est naturellement très important, qu'on vient de découvrir du pétrole au Biafra et dans la région proche. Dans les années 60, donc. Oui. Ouais. Et vous avez souvent dit que l'odeur du pétrole attisait les crises, enfin, on les provoquait. Et toujours, oui. Je vais y revenir bientôt. Après l'indépendance, le Nigeria est composé de 3, puis de 4 régions. Et c'est une république ? Oui, une république fédérale. Mmh. Mais au début de 1966, première difficulté. Un petit groupe d'officiers d'origine Ibo liquide une vingtaine de dirigeants du Nord et s'empare du pouvoir. Pour peu de temps. Car le chef d'état-major des armées, lui aussi, Ibo, organise un contre-putsch. Attendez, donc contre les membres de sa propre ethnie ? Oui. À mon avis, il devait être de mèche avec les putschistes, car ceux-ci ne seront pas jugés. Effectivement. En tout cas, ces événements vont provoquer une véritable réaction en chaîne. C'est-à-dire? Les gens du Nord n'ont qu'une idée en tête, se venger, c'est ce qui va se passer. Les Ibos sont pourchassés, massacrés par milliers, et des centaines de milliers d'autres fuient et rentrent chez eux. C'est la terreur. Un seul exemple. On coupe la main droite des étudiants Ibos qui sont attrapés. Attendez, la main droite des étudiants pour les empêcher d'écrire ? Exactement. Et dans le même temps, un nouveau coup d'état militaire perpétré par les officiers du Nord chasse les Ibos du pouvoir. Et au Nord, ils sont musulmans. C'est exact. Et pourtant, l'homme qui prend le pouvoir, le lieutenant-colonel Gowon, n'est pas musulman mais chrétien. Mais c'est vrai, il est sous la coupe des tribus du Nord. Et il va entreprendre une réforme administrative qui est clairement dirigée contre les Ibos. Attendez, expliquez-moi là. Le Nigeria est redécoupé en 12 états. Et on en profite pour priver le Biafra de la majorité de ses richesses pétrolières, bien sûr. Et chez les Ibos, alors comment on réagit? Après ces massacres et ces mesures de rétorsion, la sécession leur semble inévitable. Et dès la fin de l'année 66, le gouverneur militaire de la région, le lieutenant-colonel Ojukwu, s'y prépare et ne semble nullement décidé à reconnaître l'autorité de son collègue Gowon. De quelle façon, là? Il commence dès le début de l'année 1967 par confisquer le matériel ferroviaire qui transite par le Biafra. Plus sérieusement encore, il entame des négociations directes avec les sociétés pétrolières qui sont installées dans la région. Et enfin, et surtout, il entreprend la formation d'une armée. Une armée biafraise, oui, oui. C'est ça. Oui. Donc à partir de ce moment-là, c'est la sécession. Et en mai 1967, c'est fait. Ojukwu proclame l'indépendance du Biafra. Ouais. Mais j'imagine qu'avant de prendre une décision aussi importante, le lieutenant-colonel Ojukwu a entrepris quelques démarches internationales. Bien évidemment, il sait que l'Espagne et le Portugal le soutiendront. Le Portugal de Salazar. Qui est encore une puissante coloniale en Afrique, oui. Ouais. En Angola. Et au Mozambique. Ouais. Alors, l'Espagne, le Portugal, ça veut donc dire deux pays dirigés par des dictateurs, hein, deux régimes quasi-fascistes. Hein. Oui, oui. Et autre soutien, là? Oui, Ojukwu pense aussi bénéficier du soutien plus discret du pouvoir blanc au sein du continent. Ouais, c'est-à-dire Afrique du Sud, Rhodésie... Et bien sûr, oui. Mais c'est surtout sur la France du général de Gaulle qu'il compte bien s'appuyer. Oh, mais attendez, pourquoi la France, alors? Ojukwu sait très bien que le général n'est guère favorable au Nigeria. Mais pour quelle raison? En 1960, à l'occasion de l'explosion de la troisième bombe atomique française au Sahara, les Nigérians ont réagi vivement, et ils ont même rompu leurs relations diplomatiques avec notre pays. Depuis, les choses se sont arrangées, mais le général, lui, n'a pas oublié. Enfin, excusez-moi, mais il me semble que ça ne mérite quand même pas d'offrir pour autant son soutien à des sécessionnistes. C'est juste encore qu'il ne faut jamais sous-estimer la rancune du général. Mais vous avez raison, il y a des motifs plus sérieux. Quoi alors? Le pétrole. Au Nigeria, le gâteau a été partagé entre la Shell, qui est anglaise, et une société française, une filiale d'Elf. Mais les Français s'estiment mal servis. Alors, ils en veulent plus. Et voilà. Ouais. Donc, en encourageant la sécession biafraise, ils combattent la main sur l'industrie pétrolière nigériane? Bien sûr, puisque les ressources pétrolières du pays se trouvent justement au Biafra. Et pour être tout à fait complet, il faut dire qu'il y a encore une troisième raison. Laquelle, alors? La France, enfin surtout ses protégés africains, estiment que le Nigeria est un pays trop grand par rapport à ses voisins de la région. Et alors? Eh bien, ce pays trop grand menacerait les autres. Par conséquent, ceux-ci, et principalement la Côte d'Ivoire, du président Fouet-Boigny, souhaitent que les frontières du Nigeria soient révisées. Ça veut dire un démantèlement du pays? C'est à peu près ça, oui. Alors voilà pourquoi la France, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, va se fourrer dans le guépier biafrais. Il est vrai que le général de Gaulle a suivi personnellement l'affaire biafraise de très près. Et il est intéressant de se reporter au journal de l'Élysée de Jacques Foccart, publié en 4 tomes chez Fayard. Le vendredi 3 mai 1968, comme tous les jours, il rencontre le président de la République, il raconte. Le général me demande de voir dans quelle mesure, dans quelles limites et de quelle façon on pourrait fournir quelques armes et munitions aux Biafrais qui en sont fort démunis, armes et munitions qui seraient livrées à Oufouette et dont il ferait son affaire ensuite. Là, il y a certaines choses que je ne peux pas dicter ici, car elles ne sont connues que du général, de Pompidou, de Mesmer et de moi. Il me dit ensuite que leur avis, Guillaume, il s'agit du PDG de la société Elf, ne donne pas assez aux Biafrais. En général, Guillaume a déjà donné pas mal, mais il attend. Alors le général, avec un bon sourire, me dit « Oui, il attend de venir pour savoir de quel côté la balance va pencher. » 3 mois plus tard, le 24 août, Foccart note. Le président Houphouët-Boigny a insisté pour obtenir la livraison du matériel de guerre destiné au Biafra. Le général, embarrassé et ennuyé, sentant qu'il faut soutenir le Biafra, mais sentant aussi les limites qu'il faut mettre à ce soutien, me dit « Je n'ai jamais été contre, j'ai donné des instructions. » Réponse de Foccart. Jusqu'à présent, il y a eu 2 livraisons de vieux matériel de guerre et d'armes légères étrangères, mais Houphouët demande maintenant du matériel plus important, ce qui pose un problème. Réplique du général. « Pas du tout. Cette question m'a déjà été posée par Journiac et je lui ai dit « Dès lors que nous livrons du matériel à Houphouët-Boigny, je n'y vois pas d'inconvénient. » Je me demande d'ailleurs pourquoi cela n'a pas encore été exécuté. Je reviens là sur ces 3 raisons qui ont poussé la France à s'engager aux côtés des Biafrais. Et s'engager politiquement au moins, et militairement d'une façon plus discrète. Enfin, nous allons en parler. Oui, je comprends bien, oui, mais sur ces 3 raisons-là, c'est quand même la question du pétrole qui me semble la plus décisive, non? Certainement. Ouais. Mais enfin, ce faisant, la France faisait un pari très risqué, hein, en cas de victoire des sécessionnistes biafrais, elle raflait les ressources pétrolières du pays. Et en cas de défaite, elle risquait de perdre ce qu'elle possédait déjà. C'est bien ce que vous vouliez dire. Ah oui, oui. Alors je vous donne tout de suite la réponse. Le pari était effectivement très risqué. La preuve, c'est que dans cette affaire, les Français ont tout perdu. Tout? Oui. Elf a été viré purement et simplement du Nigeria en 1970, à la fin de la guerre, à la plus grande satisfaction des anglo-saxons, bien sûr. Ouais. Alors, le pétrole a donc joué un rôle considérable. C'est évident. Et au cours de la guerre du Biafra, les pétroliers sont souvent passés à la caisse. Enfin, les deux côtés, bien sûr. Ouais. Alors, vous parliez des anglo-saxons. Enfin, j'imagine que les Anglais doivent soutenir les autorités nigériennes. C'est normal. Au Nigeria, ils ont encore l'impression d'être chez eux. Oui, c'est le Commonwealth. Oui. Enfin, au cours de cette terrible guerre, on va assister à la naissance très ponctuelle de très curieuses alliances. Alors, racontez-moi ça. Eh bien, du côté des Nigérians, on va voir les Soviétiques rejoindre les Anglais. Tandis que de l'autre côté, les Chinois vont choisir le camp biafrais. Les Chinois de Mao avec l'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar. Et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Étrange, non? Enfin, il faut bien l'avouer, si Mao décide de soutenir le Biafra, c'est d'abord pour faire la nique aux Soviétiques en Afrique où les 2 géants communistes se livrent une véritable compétition. Et De Gaulle, lui, n'hésite pas à se ranger à côté de Salazar et Franco. Le général, vous le savez, a toujours affirmé ne pas tenir compte des régimes politiques, mais des pays. Et puis quand il y a des intérêts supérieurs en jeu, n'est-ce pas? Enfin, j'ajoute qu'il y a soutien et soutien. Mais que voulez-vous dire? Certains de ces soutiens sont essentiellement politiques. Ouais, politiques, diplomatiques. Et économiques. Et d'autres seront militaires. Militaires, ça veut dire l'engagement de troupes? Non, ça n'ira pas jusque-là encore que... Ce qui signifie... Je vais y venir, mais enfin, il va surtout s'agir de fournitures d'armes. Toutefois, évidemment, ces livraisons seront clandestines. La France, par exemple, exprime publiquement sa sympathie pour le peuple biafrais. Ce brave petit peuple, comme dira un jour De Gaulle. Souviens, ouais. Et elle lui fournit des médicaments, mais officiellement, en aucun cas, elle ne livre pas d'armes. Et elle n'intervient pas dans ce conflit intérieur. Ouais, pas d'ingérence. Ouais. Ouais. Pourtant, au nom de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, je sais. Mais il y a l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. La plupart des États africains estiment que les frontières héritées de la colonisation doivent demeurer inviolables. Et la France, très impliquée dans les affaires africaines, ne peut pas se dresser contre l'OUA. Alors, par conséquent, pour aider le Biafra, il faut camoufler. Bien sûr. Et les services secrets vont être en première ligne? Oui. Il faut souligner tout de suite que le gouvernement français a prévu de longue date la sécession biafraise. Dès 1963, un officier supérieur du SDEC a été détaché à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sa mission, surveiller de très près la situation au Nigeria et en rendre compte régulièrement à Paris, c'est-à-dire à Jacques Foccart. Oui, avec la complicité des autorités ivoiriennes, j'imagine. Oui, oui, non seulement le président Fouette-Boigny, le vieux, comme on l'appelle familièrement, n'a rien à nous refuser, mais il va être, je vous l'ai dit, l'un des plus chauds partisans de la sécession biafraise. Alors, une première question se pose, hein. Est-ce que Paris a encouragé cette sécession? J'en suis persuadé. Elle l'a en quelque sorte précédé. La meilleure preuve, c'est que des Français vont être à pied d'œuvre dès le début de la guerre, en juillet 1967. Oui, ces Français-là, qui sont-ils? Des gens qui sont directement téléguidés par l'Élysée. Oui, quand même, quoi. Foccart, c'est ça? Naturellement. Mais dans cette affaire, il y a deux aspects. D'une part, il y a l'aide matérielle. Oui, il y a les armes, oui. C'est ça, oui. Puis il y a les hommes. Des hommes qui vont combattre sur le terrain et entraîner les biafrais. Oui. Soyons clairs, des mercenaires. Il n'en manque pas à l'époque. Tous ces soldats perdus, mal revenus des guerres coloniales et qui ont sévi par exemple au Katanga. Les fameux affreux. Oui. Ils sont sur le marché, si je puis dire, et ils sont prêts à s'engager dans une nouvelle aventure. Surtout s'il y a beaucoup d'argent à gagner. Et comment vont-ils être recrutés? Un homme va jouer un rôle décisif. Appelons-le Monsieur Jean. C'est d'ailleurs sous ce sobriquet qu'il est connu dans les milieux barbouzards. Et qui est ce monsieur Jean, là? Monsieur Jean est un baroudeur, un vrai, un patriote aussi, qui voue une véritable vénération au général de Gaulle. Un gaulliste. Un gaulliste historique, même, puisqu'il a fait partie des services secrets de la France libre. C'est un proche de Foccart? Très proche, oui. Quand il y a des coups tordus à réaliser qu'on ne peut pas confier au SDEC, c'est à monsieur Jean qu'on fait appel. Il est efficace? Certainement. Et comme il grenouille depuis longtemps dans ces milieux, il connaît beaucoup de monde. Bon, si je comprends bien, c'est lui qui va être chargé du recrutement des mercenaires. Oui. Et l'argent? Les fonds secrets. Français? Bien sûr. Et si je puis risquer ce jeu de mots, c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, Foccart lui-même reconnaîtra plus tard que la France a payé. Mmh. Et ça se passe comment, là, ce recrutement de mercenaires? On ouvre un bureau Les Biafrais ont opportunément ouvert à Paris un institut de recherche historique sur le Biafra. Un organisme officiel reconnu par le gouvernement français et qui fera bien peu d'études historiques, mais qui sera en fait à la fois un bureau de recrutement et une officine d'achat d'armes. Combien de mercenaires sont-ils recrutés? 150 à peu près. C'est pas beaucoup, non? Vous oubliez que ces gens-là sont très chers. Oui, mais pardonnez-moi, mais je ne connais pas bien les tarifs. Et parmi ces mercenaires, il y a des officiers français? Bien entendu. Ce sont des gens dont vous avez forcément entendu parler. Faulk, Steiner et l'inévitable Bob Denard. Et quel doit être le rôle exact de ces mercenaires? On leur demande d'aider les militaires biafrais à s'organiser. Faut pas oublier que l'armée biafraise est encore toute jeune, à peine quelques mois. Oui, il s'agit donc d'une fonction d'encadrement. Oui, essentiellement. Mais certains d'entre eux seront engagés dans les combats et se battront courageusement. Mais la vérité m'oblige à dire que certains autres plieront assez rapidement bagage et abandonneront le Biafra. On peut pas en demander trop à un mercenaire, non? Oui, sans doute. Et puis au fond, cet épisode des mercenaires n'est pas très important en soi. Car les Français vont rivaliser d'ingéniosité pour venir en aide plus efficacement aux Biafrais. Dans un livre sulfureux et parfois sujet à caution, B comme Barbouze, écrit par un certain Patrice Chéroff, il s'agit bien entendu d'un pseudonyme, un des mercenaires, Jean-Claude R, raconte comment se passait le recrutement. Pour des raisons évidentes, je remplace les noms évoqués par des initiales. L'engagement se faisait en deux temps. On passait tout d'abord avenue Pierre Ier de Cerbrie, où le filtrage était fait par des gars du SAC, notamment V et P, qui examinaient le passé et les antécédents des candidats, leurs parrains également, ce qui était très important. Si le gars était agréé, on l'envoyait passer une visite médicale, un check-up très complet chez un praticien membre du SAC, dont le cabinet se trouve rue de Berry. Le candidat gagnait ensuite un bureau de la rue du Colisée. Il montait au quatrième étage et là, c'était une scène époustouflante. On se serait cru sur un plateau de cinéma en plein tournage d'un film noir. C'est le cas de le dire. La porte d'entrée était gardée par deux colosses noirs porteurs de mitraillettes israéliennes Uzi. Le candidat arrivait, remettait à l'entrée l'enveloppe contenant le verdict du toubib. Il était reçu par deux responsables biafrais et un conseiller technique de l'armée biafraise, un blanc, celui-là dans lequel les initiés retrouvaient une vieille connaissance, Philippe C, alias colonel Carlier, un des principaux baroudeurs africains de Foccart. Après l'entretien, et si ce dernier s'avérait positif, Un des Biafrais passait dans la pièce voisine où se trouvait une énorme malle cabine dont les tiroirs étaient bourrés de dollars. Deux gardes du corps veillaient sur la malle au trésor. On remettait alors au nouveau mercenaire une liasse de 4 000 dollars, environ 20 000 francs. Liasse coupée en deux par mesure de sécurité et dont la seconde partie serait remise uniquement sur le terrain. J'ai oublié de vous dire que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des autorités nigérianes, on va aussi faire appel à des mercenaires, des Anglais pour la plupart, avec l'appui discret du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté. Mais passons, car l'essentiel, vous pensez bien, c'était les armes. Il en fallait beaucoup. Énormément. Songez que le lieutenant-colonel Lojoukou constitue avant même le début du conflit, en juillet 1967, une armée de quelque 25 000 hommes. Une armée qu'il faut équiper de pied en cap et qu'il faut aussi pourvoir de matériel. Parce que les Biafrais n'ont rien ? Non, rien. Quelques fusils et c'est tout. Pas d'artillerie, pas d'armes anti-chars et seulement deux bombardiers B-26 qui datent de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont d'ailleurs été achetés clandestinement en France. Mais attendez, est-ce que les Biafrais ont de l'argent pour acheter des armes ? L'argent, le nerf de la guerre, n'est-ce pas ? Ben oui. Eh bien oui. Au début, du moins, ils ont de l'argent. Des sommes considérables même. Ah, mais de quelle origine alors ? En proclamant l'indépendance, Ojukwu a mis la main sur plusieurs millions de livres sterling appartenant aux autorités fédérales. Et ça lui permet donc d'acheter des armes ? Oui. Et tous les trafiquants se pressent au comptoir parce qu'il y a de belles affaires en perspective. Les Biafrais ont un besoin urgent de matériel et sont prêts à les payer très cher. Et ce qui doit arriver arrive, les prix flambent. Vous voulez dire que les trafiquants profitent, quoi. Et que les Biafrais se font proprement escroquer, oui. Les prix doublent, quadruplent, et quand la guerre éclate, en juillet, c'est encore pire. Ojukwu dilapide son trésor de guerre. Puis ces armes, il faut les transporter. Juste. Là aussi, nous donnons un coup de main. C'est-à-dire, quand il le faut, les hommes de Monsieur Jean se débrouillent pour trouver des avions et acheminer ses armes en catimini. Et parfois, ça se passe mal. Et pourquoi, là, vous avez une idée ? En octobre 67, un super constellation est parqué dans un hangar d'Orly. Il est bourré d'armes de toutes sortes. Et il se trouve dans un aéroport civil, c'est ça ? Eh oui, au mépris de toutes les règles en vigueur. Et l'appareil appartient à qui ? Il a été vendu par Air France à un ferrailleur spécialisé. Il a été aussitôt revendu à une compagnie privée portugaise. Tout cela est légal, non ? Allez savoir. Enfin, le plus étonnant, c'est l'équipage. L'homme qui doit piloter ce super constellation est un ancien commandant de bord de notre compagnie nationale. Il a eu quelques ennuis financiers qui l'ont conduit en prison. Mais il vient justement de bénéficier d'une mesure de libération provisoire. Ouais, pour les besoins de la cause. Certainement. Ce pilote, bien sûr, a perdu sa licence. En outre, il n'est pas qualifié pour voler sur ce genre de machine. Enfin, il lui est interdit de quitter le territoire français. Ouais, à cause de sa libération provisoire. Oui, mais comme par miracle, tous ces obstacles s'aplanissent. En urgence, les autorités aéronautiques lui restituent sa licence, lui accordent la qualification nécessaire, et quant à la justice, elle l'autorise soudain à quitter la France. Ouais, il y a donc eu une intervention pressante. D'une très haute autorité. L'Élysée ? Focard, vraisemblablement. Le super constellation décolle donc sans difficulté. Et la direction, là ? Lisbonne, puis Sao Tomé, c'est une petite île au large du Gabon qui va servir de base arrière aux trafiquants d'armes. Mais alors qu'il survole le Nigeria, l'avion explose. Et que s'est-il passé, à votre avis ? On ne sait pas exactement. Le super constellation a peut-être été touché par la DCA nigériane. Et selon d'autres sources, des mercenaires qui se trouvaient à bord auraient profité du passage au-dessus de Lagos, la capitale, pour lancer quelques grenades. Et l'une d'elles aurait explosé prématurément. Enfin, peu importe, on ne saura jamais. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de survivants. Non. Mais c'était quand même un sacré couac. Parce qu'il suffisait d'examiner les débris de l'appareil et les restes de sa cargaison pour découvrir l'implication de la France. Et ça a eu des conséquences ? Étrangement, non. Enfin, je vous l'ai dit, l'aide française au Nigeria était un secret de polichinelle. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que le lieutenant-colonel Ojukwu dilapidait son trésor de guerre. Et très rapidement, oui. Et alors ensuite Il a fallu l'aider, financièrement et matériellement. D'autant que sur le terrain, après quelques succès des Biafrais au début de la guerre, les fédéraux se sont réorganisés. Mieux armés, disposant de nombreux avions russes, ils ont peu à peu acculé l'armée d'Ojukwu dans son réduit Biafrais. Un réduit qui va se rétrécir dangereusement au fil des mois. Oui, mais alors revenons à cette aide. Comment se concrétise-t-elle ? Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, elle doit demeurer clandestine. Donc ça se passe en deux temps. D'abord, des avions militaires français chargés d'armes décollent régulièrement en direction de la Côte d'Ivoire ou du Gabon. Et il n'y a rien à redire puisque nous avons des accords de coopération militaire avec ces deux pays. Oui. Et le deuxième temps hein ? C'est le plus délicat. Sur l'aéroport où ils ont atterri, ces avions sont déchargés et les caisses sont transportées vers d'autres appareils. Et ceux-là sont affrétés par qui ? La plupart du temps, ces avions le sont par la Croix-Rouge. Ou bien encore par une autre association humanitaire, les Chevaliers de Malte. Et naturellement, ils ne sont pas censés transporter des armes, mais des médicaments. Et ces avions prennent l'air ? pour aller se poser au Biafra. Oui, et c'est un véritable pont aérien qui est mis en place. Chaque jour, plus de 20 tonnes d'armes sont ainsi livrées aux sécessionnistes. Oui, mais la Croix-Rouge, organisme neutre, en principe, écoutez, ferme les yeux. Il y a toujours eu des accommodements avec le ciel, non? Et puis, ce qui arrange bien les choses, c'est que le responsable de la Croix-Rouge au Gabon n'est autre que notre attaché militaire. Mais pour être tout à fait exact, il me faut ajouter que des avions sud-africains ou d'autres appareils pilotés par des mercenaires participent aussi à cet intense balai aérien. Enfin, tout ça, c'est très bien organisé. Et depuis Paris, vous voulez dire? Évidemment. Alors même qu'à l'Élysée, on se plaît à rappeler que le gouvernement français s'est engagé à ne fournir aucune arme aux Belgiens. Ouais, hypocrisie, donc. Là, vous êtes fun? Non. Mais aussi la guerre psychologique. Et puis là aussi, Paris va jouer un rôle éminent. Et la guerre psychologique. Tout à fait. De quoi s'agit-il? De propagande, tout simplement. En faveur du Biafra, c'est oui, ça? Oui, oui, oui. Et l'Institut historique du Biafra installé à Paris va être au centre de cette guerre psychologique. Le but, en fait, c'est de persuader l'opinion publique et d'abord l'opinion française que c'est un véritable génocide qui se déroule au Biafra. Et on met l'accent sur les aspects religieux de l'affaire. Les bons chrétiens sont les victimes des mauvais musulmans. Vous n'exagérez pas un peu, là? Pas du tout. Relisez la presse de l'époque. Alors on multiplie les reportages sur ces pauvres enfants biafrais qui meurent de faim par dizaines de milliers. Ouais, mais la famine a vraiment existé. Et les médecins qui vont bientôt créer Médecins Sans Frontières font là-bas un travail fantastique. Tout ça est vrai. Mais interrogez-vous. Est-ce qu'on n'a pas sciemment utilisé la souffrance et la détresse de ce petit peuple? Mais utilisé pourquoi alors? Pour tenter de retourner la situation, pour émouvoir l'opinion, pour faire reculer les Nigérians. Alors même qu'on savait que la situation était fichue et que les Biafrais allaient inéluctablement être vaincus. Si les puissances qui soutenaient le lieutenant-colonel Ojukwu lui avaient conseillé plutôt de se rendre, la vie de milliers d'enfants aurait sans doute été préservée. Ouais. Vous accusez donc la France? Pourquoi pas? Le chantage à la famine, non, ça je supporte pas. Surtout quand il y a des odeurs de pétrole qui flottent au-dessus de tous ces cadavres. Jusqu'au bout, le général de Gaulle a apporté son soutien au Biafra. Mais lorsque Pompidou lui succède en 1969, alors que les Biafrais sont aux abois, la politique française change, si j'en crois Pierre Péan. Voici ce que je lis dans son ouvrage « Affaires africaines » publié chez Fayard. Le nouveau président français, Georges Pompidou, n'entend plus soutenir la sécession biafraise, dont les leaders sont alors réduits à exercer un véritable chantage à la famine en essayant d'apitoyer la communauté internationale en faveur de leur cause. Et le journaliste cite un article du Washington Post du 11 juillet 1969. Le Biafra prive son propre peuple de ce qui est nécessaire à sa subsistance, dans l'espoir évidemment que le spectacle de ses souffrances va inciter les étrangers à imposer des restrictions politiques au Nigeria. La famine ne saurait devenir une arme de guerre acceptable du simple fait qu'elle est utilisée par un leadership aux abois contre sa propre population réduite à l'impuissance. Autres ouvrages intéressants sur l'affaire biafraise, un autre livre de Péan, L'homme de l'ombre, également publié chez Fayard, et aussi Focard parle, des entretiens avec Philippe Gaillard, toujours chez Fayard. L'effroyable guerre du Biafra, de Rémy Boutet aux éditions de l'Afrique contemporaine, et également La succession de Oufouette Boigny de Jacques Beaulin chez Cartala. Et en outre, un livre indispensable dont je me sers souvent, Dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle, aux éditions de La Découverte. Vous pouvez retrouver la référence de tous ces livres sur notre site internet www.franceinter.com, un site qui vous permet aussi de réécouter cette émission. À samedi prochain avec Monsieur X.